Sonia De Villers, l'Instant Télé, ce soir, ça se passe sur France 2 qui va diffuser un documentaire. Ça s'appelle À haute voix. Et pour vous, c'est un énorme coup de cœur. Énorme, énorme, Eric. J'ai ri, j'ai pleuré, j'en ai causé à toute la baraque. J'ai vissé mes gamins de 9 et 11 ans devant. C'était un petit poil long pour eux, mais j'ai eu gain de cause. Ça les a éblouis. Et si vous êtes prof de français, séquestrez vos élèves de la 5e à la terminale pour leur montrer. Vous allez tellement les émouvoir que tout au fond de leur trip, ils auront compris une chose essentielle. Une chose essentielle pour laquelle on se bat du matin au soir. Vous et nous, parents, enseignants et gens de radio. La parole est une arme de combat. Bien parler est la clé de l'ascension sociale. Et qu'est-ce qui vaut mieux qu'un beau et long discours, hein ? Eh ben rien du tout, si ce n'est un beau et long discours compris, écouté, entendu, plébiscité. C'est un art millénaire. Il porte un nom, l'éloquence. Et il n'est pas réservé à la crème des avocats du barreau de Paris. L'idée revient à Stéphane de Freitas. Il a créé le concours Eloquentia, ouvert chaque année aux étudiants du 93. Ils vont se battre sur scène et en public à coups de mots et de formules. Ils vont haranguer, murmurer, tempêter, s'esclaffer, argumenter, pérorer, plaider. Une joute verbale qui couronnera à terme le meilleur orateur de Seine-Saint-Denis et dont aucun d'eux ne sortira indemne, tant l'expérience va puiser dans les racines de leur histoire et d'un déterminisme dont ils vont triompher par chaos. Stéphane de Freitas a suivi la promo 2015. Durant les 3 semaines intensives de préparation, il en a fait un film. Je vous préviens, ces jeunes vont vous coller au mur. Préparez-vous à pleurer la mort du rossignol syrien dont le régime de Bachar a arraché les cordes vocales. Préparez-vous à vivre sur le trottoir avec une famille sans papier, à jouer au football américain, à marcher matin et soir 10 kilomètres en forêt pour rejoindre la gare à pied et vous rendre à la fac. Préparez-vous à dire « Mon père, c'est Chuck Norris quand il est en chimio ». Préparez-vous à slammer, préparez-vous à ne plus jamais dire « Connard. Préparez-vous à clamer combien vous aimez Victor Hugo. Préparez-vous à chercher des mots dans le dico pour en caresser d'autres. Préparez-vous à raconter la honte de votre pauvreté devant une maman qui va vous filmer. Préparez-vous à parler, c'est bien plus difficile qu'écrire, car on ne peut rien effacer. On ne peut pas revenir en arrière, ce qui est dit est dit. Et ce soir sur France 2, ce sera dit et magnifiquement dit. À voix haute, le documentaire de Stéphane de Freitas. Micro ouvert. On va réfléchir sur cette fameuse orthographe, hein, cette fameuse orthographe, cette réforme de l'orthographe aussi, qui a démarré en septembre 2016. Et moi, je propose qu'on regarde les choses un peu différemment que toujours cet éternel débat, vous savez, je suis pour la réforme, je suis contre la réforme. On va essayer de regarder les choses un peu différemment. Et j'ai trouvé une super manière de voir les choses un peu différemment avec une dame qui s'appelle Alice Romainville et Françoise Janssen qui posent des questions à Jérôme Piron qui est co-auteur d'un spectacle qui s'appelle « La convivialité » et qui porte un regard critique, rafraîchissant et décomplexant sur cet outil incongru et peu performant qu'est l'orthographe du français. Et donc ces deux dames posent leur première question et à Jérôme Piron, qu'est-ce que l'orthographe ? Et pourquoi je vous lis ça ? C'est parce que c'est vraiment intéressant, c'est une autre manière de regarder les choses qui remonte évidemment du coup dans l'histoire, parce que pour comprendre, vous savez, on n'est pas né avec un bic à la main, un crayon, une plume, enfin voilà, les choses se sont mises en place petit par petit. Et donc, écoutez ça. Donc, qu'est-ce que l'orthographe ? L'orthographe est l'outil graphique qui permet de retranscrire la langue. Cela permet déjà de faire la distinction entre la langue et l'orthographe, la seconde étant au service de la première. La confusion est répandue. On a l'impression que si on touche à l'orthographe, on va modifier la langue. Mais la langue vit de son côté. Elle a ses propres modalités de développement. L'orthographe n'est jamais que le code choisi arbitrairement pour retranscrire cette vie. La particularité du code orthographique français, c'est que contrairement à la langue qui ne cesse d'évoluer, il est figé depuis 150 ans. On a donc une langue vivante, mais retranscrite par un code qu'on pourrait qualifier de comateux. Alors, question. Dans le spectacle, vous dites que l'orthographe est un objet de prestige. Tu peux expliquer ça. On connaît tous des gens très fiers d'avoir une bonne orthographe. Le fait de maîtriser l'orthographe est un signe de prestige. Nous, ce qui nous interpelle, c'est qu'on rende prestigieuse la maîtrise d'une chose dont on n'a pas interrogé la raison profonde. On est fier de savoir accorder correctement le participe passé employé avec avoir, mais on ne sait pas pourquoi on doit le faire comme ça. On fait confiance à ce qu'on nous a appris, on pense qu'il y a forcément de bonnes raisons. Or, et c'est ce qui est à la base du spectacle, il y a en réalité plein de mauvaises raisons, de causes absurdes et d'accidents historiques. La graphie, donc le fait d'écrire des sons, remonte tout simplement à l'écriture. Mais le fait d'avoir une orthographie, c'est-à-dire une graphie qui est jugée correcte selon une norme centralisée, c'est assez récent. Ça date du XVIIe siècle. On décide alors de fixer et de centraliser des pratiques qui étaient jusque-là variées. Allez, c'est quand même énorme à savoir ça. Hein. On décide alors de fixer et de centraliser des pratiques qui étaient jusque-là variées. Par exemple, Montaigne avait une orthographe à lui, Rabelais avait la sienne, les gens de cour en avaient encore une autre. C'était très libre, très libéral comme approche de la graphie. Avec le dictionnaire de l'Académie, on instaure une seule orthographe dans le but explicite de pouvoir distinguer ceux qui l'ont de ceux qui ne l'ont pas, et donc pourvu qu'elle soit compliquée. Cette idée est encore renforcée au XVIIe, XVIIIe siècle par la concurrence avec l'italien, grande langue de prestige depuis la Renaissance. Pour concurrencer l'italien, le français cherche alors à se rendre prestigieux. Et tant dans l'esprit de l'époque, ce qui est prestigieux, c'est l'antiquité. On va donc alourdir le code graphique de formes hellénisantes et de traces d'étymologie. Le problème, il faut bien le dire, c'est que ça a été fait n'importe comment. On n'a pas du tout maintenu ces traces de manière organisée et rigoureuse. Par exemple, on en a tantôt mis des PH à des mots qui ne venaient pas du grec, tantôt à certains mots, mais pas à d'autres ayant pourtant la même racine. Enfin, dernière étape importante, le 19e siècle, c'est la période où l'orthographe devient ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un marqueur social. Il y a plusieurs raisons à cela, mais je pense que l'une des principales, c'est la laïcisation de l'école en France. En fait, et je sais que ça paraît énorme dit comme ça, mais plus je creuse et plus j'en suis convaincue. Je pense que l'enseignement de l'orthographe s'est appuyé sur les structures de l'enseignement de la religion catholique qui disparaissait. Elle est devenue la nouvelle religion. C'est pour ça qu'on parle de dogme dans le spectacle. Une chose qu'on n'interroge pas et qui permet de classer, de juger. Concrètement, on a volontairement complexifié l'orthographe en réintroduisant à nouveau toute une série de consonnes doubles, de PH, de TH qui avaient disparu, parce que malgré tout, l'orthographe du français n'avait pas cessé d'évoluer jusqu'alors, comme dans toutes les langues du monde, ou à peu près. C'est véritablement une ère glaciaire de l'orthographe qui commence au 19e. À l'époque, l'enseignement du latin et du grec est encore très important et ceux qui maîtrisent cette matière ont des facilités pour l'apprentissage de l'orthographe. Les classes possédant un bon capital culturel seront favorisées pour acquérir cette compétence, alors qu'elle sera très excluante pour ceux qui ne le possèdent pas. De plus, il faut savoir que le français est assez facile à lire parce que chaque mot a une forme bien différente. Une fois qu'on a photographié cette forme, l'orthographe très complexe et même inutilement compliquée facilite la lecture. Par contre, elle rend l'écriture très difficile. Du coup, on a des gens qu'on peut former à lire les manuels, mais pas à les réécrire. Et tout ça a été intériorisé. On a investi l'acquisition de l'orthographe de valeur morale parce qu'on a oublié que c'était juste un outil. Or, si on considère que l'orthographe est juste un outil, alors la manière dont on doit la juger est tout autre. Est-ce un bon outil? Est-il pratique? La langue doit être riche, complexe, variée. Il faut multiplier tout ce qui permet de s'exprimer le mieux possible. Mais il faut exclure l'orthographe de ça parce que c'est juste un code, une forme pour traduire un son. Une bonne orthographe, c'est celle qui nous permet d'utiliser facilement la langue, pas celle qui nous éloigne de son utilisation. Parce qu'on ne sait pas s'il y a un ou deux P, alors que ça ne change rien au sens du mot, on est bridé. Si on est d'origine étrangère ou dyslexique, ou venant d'un milieu moins favorisé, on va se retrouver empêtré dans la manipulation de l'outil, avant même d'avoir pu essayer de construire quoi que ce soit. C'est ça le problème. L'outil doit nous servir à construire, pas à nous en empêcher. Pas à nous en empêcher parce qu'il est trop compliqué à utiliser. Vous dites aussi dans le spectacle que l'orthographe est utilisée comme outil de sélection, voire de discrimination. Tu peux donner quelques exemples ? On peut prendre les études PISA. Alors qu'est-ce que ça veut dire PISA ? Ça veut dire Programme international pour le suivi des acquis des élèves, ensemble d'études visant à mesurer les performances des systèmes éducatifs de différents pays. Donc, on peut prendre les études PISA. Si on regarde leurs études de compétences et de résultats en fonction des matières, on voit qu'il y a un critère d'origine sociale. En mathématiques, par exemple, l'écart de performance entre les classes supérieures et inférieures est de 4. En français, on a un écart de 10. Pourquoi ? Parce que les mathématiques permettent au cerveau de fonctionner sur des bases logiques. Évidemment, on est meilleur en maths si on a un prof particulier ou si on vit dans un milieu qui favorise l'apprentissage en général. Mais il y a quand même moyen de développer une forme de logique. Alors que l'orthographe est arbitraire. Il y a énormément de choses qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi un S ? Pourquoi un X ? C'est comme ça, un point c'est tout. Du coup, le poids de la transmission du capital culturel est beaucoup plus grand. Pour reprendre le terme de Bourdieu, l'orthographe est un outil de la reproduction sociale. Une autre particularité de l'orthographe française, c'est que pratiquement personne ne la maîtrise parfaitement. On peut piéger tout le monde. J'ai entendu le chiffre de 80 personnes en France qui ne commettent jamais aucune erreur. On peut comparer ça à un jeu vidéo de type arcade. Ce qui définit ces jeux, c'est qu'il n'y a pas de fin. Le jeu s'accélère et le but est de mourir le plus tard possible, mais on est sûr de mourir. L'orthographe fonctionne là-dessus. Tout le monde va faire une erreur, mais on arrivera à des paliers différents. On peut donc en faire un objet compétitif. Si on compare avec une orthographe transparente, un son, une lettre, un son, ça prend 2 semaines pour que chacun maîtrise le code. Il n'y a pas de compétition dans l'acquisition de ce code. Il peut y en avoir dans son utilisation. Certains auront plus de vocabulaire, plus de style, plus d'idées, plus de créativité, mais tout le monde aura accès au code, alors qu'en français, ce n'est pas le cas. On a un code qui comporte tellement d'exceptions et de particularités qui ne répondent pas à des logiques qu'on peut facilement en faire un objet de compétition et même de discrimination si on pense par exemple à l'importance donnée à l'orthographe dans la sélection des CV. C'est pour cette raison qu'on s'oppose assez radicalement à tout ce qui est concours d'orthographe, dicté de Balfroid, de pivot, etc. Alors que l'orthographe devrait être accessible à tous, on s'extasie sur le fait que ce soit compliqué et que certains y parviennent mieux que d'autres. C'est comme si la marche était réservée à ceux qui savaient courir. Or la marche, c'est pour tout le monde, ce n'est pas une compétition. Mais alors pourquoi une telle résistance à des réformes ? D'abord, il y a une résistance au changement en général. Ensuite, ce n'est pas n'importe quoi qui change, c'est quelque chose auquel les gens accordent une valeur. Tout simplement parce que pendant toute notre vie, nos parents, l'école, les collègues, les journaux nous ont dit unanimement que c'était important. Avec une doxa pareille autour d'un objet, quoi de plus normal, de trouver ça important. Vous disiez aussi dans la pièce que c'est dire aux gens « vous avez fait tous ces efforts pour rien ». Quand on a acquis quelque chose dans la douleur, on y tient, c'est sûr, on est attaché aussi en termes de vécu. Je crois aussi qu'il y a un simple phénomène d'encodage cérébral. Tout ça se complète, qui fait que quand on lit, on a envie d'accéder au sens de ce qu'on lit. Et quand un mot n'est pas écrit comme on l'a appris, on est choqué et on s'arrête à la forme. On est donc parasité dans la fluidité de la lecture, et ça nous gêne. Et comme cette gêne, on lui a donné tout un fondement moral, la faute. Ça vient du vocabulaire religieux. On est doublement perturbé. On est dérangé dans l'acte de reconnaissance de lecture, et en même temps, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne respecte pas ce qui doit l'être. Et donc, il y a faute, que la personne a fauté. Et puis surtout, comme je l'ai dit, il y a cette confusion entre la langue et l'orthographe. Les gens ont peur qu'on touche à la langue, qu'on s'en prenne au patrimoine. Il y a l'impression qu'on va niveler par le bas, ça c'est le grand truc. On croit qu'on va prendre les fautes qui sont commises et adapter l'orthographe en fonction, ce qui n'est pas du tout le cas. Il me semble que le nivellement par le bas, c'est d'accepter une orthographe absurde et excluante. Pourquoi est-ce que l'absurdité de l'orthographe n'est pas remise en cause ? Pour moi, c'est ça le vrai nivellement par le bas. Alors, ça se voit pas, mais je le dis, on se connaît quand même un peu, Dominique. Hein. C'est vrai, on va pas jouer le jeu qu'on se connaît pas, on se connaît un petit peu. Oui, on se connaît un petit peu, on s'est déjà rencontrés à l'école, oui. On a donné cours ensemble. Exactement, on a donné cours ensemble, les élèves s'en souviennent, je pense. Voilà. Et alors, on te rencontre, je te rencontre parce que... tu as écrit un petit bouquin, mais c'est pas... Explique-nous un petit peu, parce que toi tu m'as expliqué hors micro et c'était intéressant. Donc il y a trois bouquins, si tu peux réexpliquer un peu l'histoire. Et donc j'ai commencé par écrire deux bouquins en 2008 et en 2013, qui étaient publiés à l'époque aux éditions de Book, qui étaient des bouquins sur la nouvelle orthographe. Un jour, en tant que professeur, je me suis présenté pour faire un intérim à la province de Namur et j'ai rencontré l'enseignante qui était en congé de maternité et elle m'a dit « Ici, on applique la nouvelle orthographe, est-ce que vous la connaissez ?» Et alors là, quand j'ai entendu ça, j'ai balbutié. Alors elle m'a dit « C'est très simple » et elle m'a donné une liste de 27 pages sur la nouvelle orthographe et je ne savais vraiment pas ce que c'était. Et puis je me suis dit, il faut absolument que je connaisse cette nouvelle orthographe pour enseigner dans cette école. Et puis dans les autres écoles, j'ai entendu de plus en plus parler de nouvelle orthographe. Donc en tant que prof, j'ai commencé à regrouper les mots de la nouvelle orthographe, à faire des listes pour mes élèves du secondaire, donc dans l'enseignement où je travaille à Namur. Et j'ai pensé que ça allait durer 15 jours, que j'allais faire quelques listes comme ça, mais ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans et c'était vraiment surprenant et donc j'ai fait les listes. Et puis quelques années plus tard, j'ai fait un stage de chant et de voix à la Marlagne où j'ai rencontré une dame qui était directrice. La Marlagne à Namur, hein, précisons. Donc de la Marlagne à Namur, près d'Ouépion. J'aime toujours bien situer les choses géographiquement. C'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais on n'est pas dans Bruxelles, là, on est en dehors, hein. Donc, en travaillant sur la nouvelle orthographe, le hasard a fait que dans un stage de chant et de voix à la Marlingue, à Namur, près de Ouépion, j'ai rencontré la directrice des éditions de Book et je lui ai dit « Tiens, est-ce que par hasard, tu ne serais pas intéressé par publier un livre sur la nouvelle orthographe ?» Et elle m'a tout de suite dit oui. Et donc, je n'avais aucune intention de publier ce livre, c'était vraiment un syllabus pour mes élèves et les éditions de Book l'ont pris, donc c'était il y a 8 ans. Et puis par la suite, on a commencé. Mais là, Dominique, je comprends pas très bien en fait, parce que on dit, donc tu, si je comprends bien à l'origine, t'as une dame collègue qui te dit « Ah, ici on travaille avec la nouvelle orthographe ». Mais ça veut dire quoi en fait d'abord la nouvelle orthographe ? Ça veut dire quoi ? Qu'il y a certains mots qui changent, très bien, mais j'arrive pas à comprendre, toi, ce que t'as fait comme travail avec ton syllabus, parce que la nouvelle orthographe, elle change, j'imagine qu'il y a plusieurs mots qui ont changé, tu les apprends, et puis voilà, enfin, c'est quoi tu vois, j'arrive pas bien à comprendre ce que t'as fait, fournis-toi comme travail, du coup. Alors, je crois que d'abord, il y a deux questions dans ta question, donc la nouvelle orthographe. Bien vu, Dominique. La nouvelle orthographe, qu'est-ce que c'est ? Alors, la nouvelle orthographe, qu'est-ce que c'est ? Il faut faire un petit historique pour vraiment comprendre ce que c'est que la nouvelle orthographe. Donc, je vais un petit peu faire ce petit historique. Donc, qu'est-ce que c'est que la nouvelle orthographe ? Eh bien, il se passe que dans les années 1970, les années 1980, les années 1990, des spécialistes du français se sont rendus compte d'une chose très bizarre. C'est que le dernier dictionnaire de l'Académie française, le dernier dictionnaire en date, publié, officiel, le dernier dictionnaire papier de l'Académie française, eh bien, il date de 1932. Alors, le dernier dictionnaire date de 1932. Donc maintenant, on a affaire, donc dans les années 70, 80, donc 70, 70, 80, 90, on avait affaire à trois dictionnaires principaux qui n'étaient pas officiels, qui sont le Larousse, le Robert, le Littré et le dictionnaire Hachette. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70, 80, 90 ? Des gens se sont rendus compte. Quand on dit des gens, c'est pas n'importe qui ces gens non plus, hein. C'est des gens spécialistes de la langue aussi, il faut préciser, parce que quand on dit des gens, c'est pas monsieur et madame, tout le monde. Hein. Alors les gens en question, ce sont effectivement les spécialistes de l'orthographe, des linguistes, les spécialistes de la langue française. Ils ont un nom, il y en a toute une série, qui se sont rendus compte que dans les dictionnaires, dans les années 80, donc 90, Larousse, Robert, Littré, eh bien, il y avait 3000 mots qui avaient deux orthographes différentes. Prenons le mot extraterrestre. Dans un dictionnaire Larousse, par exemple, il était écrit avec un trait d'union. Dans un Robert, peut-être, il était écrit en un mot. Mais comment ça se fait, ça ? Comment ça se fait ? Puisque comme l'Académie ne définissait plus l'orthographe depuis 1932, les dictionnaires Larousse, Robert, Littré ont pris leur autonomie et chacun ont écrit des mots un peu à leur manière, en observant, toujours les dictionnaires travaillent en observant l'usage, en observant comment les gens écrivent. Et donc on est arrivé à avoir des variantes. Le mot événement, par exemple, événement qu'on peut écrire avec un accent aigu sur le deuxième E ou un accent grave, des variantes, et on a vu qu'il y avait 2 000-3 000 variantes. Alors, en 1988, les enseignants ont écrit, ont fait des pétitions, ils ont écrit au gouvernement, ils ont dit « l'Académie ne fait plus son travail, il faut réformer l'orthographe, il faut avoir un dictionnaire de référence ». Et c'est ce qu'en 1990, le gouvernement français a demandé à des experts, à des spécialistes de revoir un petit peu comment fonctionne l'orthographe et de proposer d'éviter ce qu'on appelait à l'époque des absurdités, des incohérences entre les trois grands dictionnaires, Robert, Larousse et Littré. Donc la nouvelle orthographe, c'est une mise au point de l'orthographe française quand on se rend compte que les dictionnaires ne sont pas aménagés entre eux. C'est super marrant parce qu'on dirait la nouvelle orthographe, mais on dirait la faute d'orthographe, pour finir avec ce que j'entends. Parce qu'on a l'impression, dis-moi si je comprends bien, hein, c'est que donc la pratique, le terrain fait en sorte que des fois, on ne sait plus très bien comment on l'écrit. Et du coup, bah là, on tire un peu la sonnette d'alarme pour dire, bon, il faut un petit peu remettre de l'ordre là parce qu'il y a plein de fautes d'orthographe. C'est ça aussi. Est-ce qu'on met un chapeau ou pas ? Est-ce qu'on met un accent, un tiret ? On ne sait plus très bien. C'est ça qui se passe. Alors, c'est sur le terrain, on voit qu'il y a des gens qui ne mettent pas des accents. Du coup, comment ça se passe ? Enfin, tu vois, tu comprends ma question ? Oui. Alors, la faute d'orthographe, non. Ce qu'on peut appeler, donc, par exemple, quand dans les dictionnaires, on voit qu'on peut écrire le mot événement avec un accent grave ou avec un accent aigu, c'est pas une faute, ce sont deux variantes, deux possibilités. Quand, par exemple, le dictionnaire Robert écrit le mot incurdent avec un T, c'est parce qu'il a une logique, qui est celle de Robert, qui est de dire on se cure une seule dent à la fois. Et au même moment, chez Larousse, ils ont une autre logique, ils vont écrire un cure-dent avec un TS. Et leur logique, qui est tout aussi valable, c'est de se dire on se cure plusieurs dents quand on passe le cure-dent, il y a plusieurs dents dans la bouche. Et donc les deux logiques sont acceptables. Les deux logiques sont acceptables, donc ça crée deux variantes, deux différences entre les deux dictionnaires différents. Alors la nouvelle orthographe, c'est déjà de mettre en évidence le fait qu'il y a deux logiques différentes. Et très souvent, les gens qui n'utilisent qu'un seul dictionnaire, ils ne le savent pas. Celui qui est dans son Labrousse, braqué sur son Larousse, il va dire c'est un cure-dent TS, et l'autre avec Robert, c'est un T. Donc ici, c'est simplement... prendre conscience qu'il y a deux logiques différentes et éventuellement en privilégier une parmi d'autres. Et ça, c'est la nouvelle orthographe. Mais comprends que déjà, pour celui qui a des problèmes d'orthographe, c'est compliqué, non? Parce que, tu comprends? Celui qui a, enfin, t'imagines, donc ça veut dire que les Larousse, là, les dictionnaires, ils prennent leur liberté en écrivant, ben tiens, on peut écrire aussi comme ça ou comme ça. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui dit, ah ben voilà, moi j'écris le mot comme j'ai envie aussi. C'est comme si, pour finir, ben il y avait plus de faute d'orthographe. Chacun écrit un peu comme il le sent. Alors, je crois qu'il ne faut pas aller vers cette dérive de pensée de chacun écrit comme il le sent. Chacun écrit avec une logique qui est la sienne. Alors, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que celui qui a déjà des difficultés en orthographe, et on sait qu'on est dans une société où c'est de plus en plus compliqué pour les jeunes générations qui suivent, le français, écrire sans faute, la nouvelle orthographe, ou en tout cas les orthographes qui diffèrent comme ça d'un dictionnaire à l'autre, et ça aide pas les gens. Ça aide pas les gens qui ont déjà difficile à écrire correctement, puisqu'on leur dit un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Est-ce que tu comprends l'idée? Je comprends tout à fait l'idée et je comprends que ça peut faire un flou pour certaines personnes, mais je crois qu'il faut vraiment se mettre dans cette idée que pour un certain nombre de mots, 400-500 mots, il y a deux logiques et que ces deux logiques sont tout à fait acceptables l'une que l'autre. Alors si on prend ici l'exemple de un cure-dent avec TS ou sans T, alors dans ces deux logiques, la nouvelle orthographe, elle va privilégier une logique qu'on va appeler syntaxique. À partir du moment où on met le mot « un », on a « un » devant, on va toujours mettre du singulier. Tandis qu'avant, si le Robert avait écrit c'est Larousse qui avait dit « un cure-dent » avec TS, on était dans une logique de sens sémantique. Donc, je pense d'abord que c'est la nouvelle orthographe concerne d'abord les enseignants. Donc, prendre conscience que pour un certain nombre de mots, il y a des variantes, il y a des différences qui correspondent à des logiques différentes. Et ça, c'est nouveau depuis 1932. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des mots qui ont des variantes, qui ont plusieurs orthographes. Est-ce que c'est juste ce que je dis ou pas? Alors, ce n'est pas nouveau depuis 1932, c'est nouveau. Ça existe depuis que la langue française existe. Parce qu'il faut d'abord savoir que, par exemple, au Moyen-Âge, mais il n'y avait pas d'orthographe fixée du tout. Donc il n'y avait que des variantes. Si on pense tout simplement à Montaigne, donc l'écrivain Montaigne, comment écrire Montaigne? Eh bien, si on regarde dans les textes du XVIe siècle, du XVIIe siècle, on trouve 4-5 orthographes pour Montaigne. Parfois c'était AI, parfois c'était E, parfois c'était un E avec un accent grave. Donc la variante, elle existe depuis toujours dans la langue française. Il y a eu au XVIIe siècle, l'Académie française a fait une tentative d'uniformisation de l'orthographe, mais n'a jamais été complètement aboutie. Et alors, au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a même un linguiste qui a observé que la règle, c'est la variante. Donc l'orthographe n'est pas fixée, n'a jamais été fixée. Et c'est seulement à partir du XIXe siècle que, pour les instituteurs, à partir du moment où on a fait un brevet d'école pour les instituteurs, on a fait de l'orthographe quelque chose qui était un véritable savoir. Il y a eu une volonté d'en faire quelque chose qui était fixe. Mais en réalité, elle n'a jamais été fixée et les variantes existent depuis toujours. Ce dont, malheureusement, beaucoup, beaucoup d'enseignants n'ont pas toujours conscience. Et c'est quelque chose que moi-même, j'ai appris à 33 ans, alors que j'avais fait des études de romane pour devenir professeur de français. Et je ne me rendais pas compte qu'il y avait autant de variantes. Donc, la nouvelle orthographe, c'est un, prendre conscience qu'il y a ces variantes, il y a différentes logiques. Et parmi ces différentes logiques, c'est le choix de l'une plutôt que l'autre. En l'occurrence, pour le pluriel, pour le singulier des noms composés, donc un cure-dent, c'est la logique syntaxique. S'il y a un devant, on va mettre du singulier. S'il y a des devant, on va mettre du pluriel. Même chose avec des personnages, par exemple, on va écrire des personnages avec ES en nouvelle orthographe. Je trouve que ça fait du bien d'entendre ça. Ça fait du bien pour les gens qui oublient une lettre ou quoi. Ça veut dire que ça bouge, en fait. C'est marrant aussi, hein. Je savais pas, tu m'apprends quelque chose, Dominique. Ah, hein, c'est super. Et donc, toi, on va revenir à ça. Tu écris, il n'est pas très gros le livre. Hein. Ça veut dire que la nouvelle orthographe, elle n'est pas épaisse. Hein. Est-ce que tu peux expliquer Et c'est ça que j'aurais voulu comprendre aussi, avant de partir dans cette direction. C'est que, donc, toi, tu rencontres une dame, t'as dit que toi, t'avais fait un syllabus. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que t'as fait que la dame a dit, au tout début, quand tu racontais, là? Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que tu as fait, toi, en plus de simplement réécrire les mots qui avec leur nouvelle orthographe? Alors, moi, j'ai pris connaissance de ce qu'on appelait la nouvelle orthographe qui était diffusée sur des stencils qui étaient distribués dans les écoles dans les années, entre les années 90 et 2000. Donc, j'ai pris connaissance de ces documents. Et alors, pédagogiquement, en tant que professeur, je me suis dit ce qui serait intéressant, ce serait de montrer aux gens, à tous les gens, aux élèves, aux enseignants, de montrer la forme telle qu'elle existait en ancienne orthographe. Donc je me suis dit, on part de ce que je connais, du connu, surtout pour les enseignants qui sont habitués à l'ancienne orthographe. Donc je me suis dit, je vais faire des tableaux. Je vais faire des tableaux avec l'ancienne orthographe d'un côté, à gauche, et à droite, la nouvelle orthographe. Et alors je me suis dit, je vais regrouper, plutôt de prendre une liste alphabétique, je vais regrouper tous ces mots par des règles. D'un côté, tous les mots qui ont changé avec le trait d'union. D'un autre côté, tous les mots où il y a un problème avec les accents. Donc regrouper les listes, donc faire des listes par règles. Et c'est comme ça que j'ai un jour montré, c'est le hasard, je n'avais pas du tout l'intention d'en faire un livre. J'ai montré ça à la directrice des éditions de Book. Et elle m'a dit oui, ça nous intéresse. Pourquoi ça les intéressait? Parce qu'en Belgique, en 2008, il y a eu une circulaire de la communauté française qui disait, en Belgique, on va enseigner prioritairement la nouvelle orthographe. Et donc c'est comme ça que j'ai fait un premier ouvrage aux éditions de Book. Alors je voulais à ce moment-là faire un ouvrage pour le secondaire et les éditions de Book m'ont dit on va faire ça pour le supérieur, pour l'université, pour le grand public. Et donc j'ai fait un premier ouvrage qui est devenu un ouvrage un petit peu savant, un petit peu universitaire, puisqu'on me demandait de faire des références au bon usage de Maurice Grevis et d'André Gauze. Et alors, ce qui s'est passé par la suite, j'ai souvent entendu des gens qui disaient « la nouvelle orthographe, on veut bien savoir l'enseigner, on veut bien, mais en fait, on n'a pas de livre ». Alors, j'ai été très surpris d'entendre des gens qui disaient « il n'y a pas de livre ». Et alors, ce n'était pas tout à fait vrai, puisqu'il y avait déjà le mien, et qu'en plus de moi, il y a 5 livres qui ont été diffusés au Canada. Il faut savoir qu'au Canada, il y a une très grande attention qui est portée sur la langue. Et donc, il existe aujourd'hui, et déjà depuis longtemps, 5 livres sur la nouvelle orthographe que les gens connaissent très peu en Belgique et en France. Alors, donc, les gens disaient « il n'y a pas de livre sur la nouvelle orthographe ». Parce que les livres sont souvent, mais ils ne jouissaient pas d'une grande diffusion, ils n'étaient pas souvent mis en avant dans les librairies. Et donc, le projet ici a été de présenter un livre grand public, un livre simple. Donc, le livre que je publie maintenant est un livre qui est le troisième livre que je publie, est un livre qui est court, qui ne fait que 128 pages et qui est accessible, je pense, à tout le monde, dans lequel il y avait une volonté de mettre des mots courants. De faire des tableaux, des mots comme extraterrestre, comme entre-temps, comme cure-dent, comme un pique-nique, donc des mots courants. Et alors, quand on présente une règle, de ne mettre qu'une dizaine de mots pour illustrer la règle, alors qu'avant, dans le premier livre, il y en avait parfois 20 ou 30, donc voilà. Alors, c'est tout à fait une démarche personnelle que tu fais. C'est quoi la motivation comme ça, Dominique? Parce que tu donnes cours, très bien, tu as déjà ton temps qui est parti pour donner cours avec des étudiants adultes. C'est quoi qui t'allume comme ça Alors, c'est ma passion. Donc, d'abord, je fais des syllabus pour tout. En tant que prof, j'écris des syllabus pour mes élèves. Donc, ma passion, c'est d'expliquer. Ma passion, c'est d'essayer de décortiquer les choses et de mettre à écrire. J'ai besoin, d'abord, pour connaître quelque chose en tant que prof, si je lis un livre, j'ai toujours besoin de prendre des notes et de me réapproprier le sujet, le contenu, à ma façon, pour pouvoir le communiquer à mes élèves. Et donc j'ai toujours été habité par cette volonté. Donc je dirais quelque part, je ne suis pas un spécialiste de l'orthographe. Moi, ce que j'adore faire, c'est lire, prendre des notes, réexpliquer. Et donc c'est ça qui m'anime, rendre plus clair avec une volonté d'expliquer. C'est ma passion, c'est ça. Bien plus que l'orthographe en tant que tel. Moi, j'ai pas lu le bouquin puisque je viens de le recevoir. C'est dommage parce que je pourrais te dire si c'est très clair ou pas, mais ça a l'air, hein, ça a l'air d'être bien. Ça a l'air d'être un bouquin bien fait comme ça. Quand je dis petit, c'est que c'est vrai, il est petit, hein, on peut le mettre dans une poche pratiquement. Et alors, tu peux expliquer alors ce qui se passe, parce que c'est assez chouette ce qui se passe avec ton bouquin, La nouvelle orthographe expliquée à tous. Dominique Duprier, explique-nous qu'est-ce qui se passe pour toi alors. Une première chose à dire, c'est que la nouvelle orthographe, c'est peut-être un mot qui peut faire peur à tout le monde. Il n'y a pas en réalité une nouvelle orthographe. C'est toujours l'orthographe qui est là, qui est la même. Il y a juste que, par exemple, quand il y a deux mots comme événement qu'on peut écrire avec un accent grave sur le E ou un accent aigu, ben maintenant on va placer le curseur. Donc les gens traditionnellement écrivaient événement avec un accent aigu sur le deuxième E. Maintenant on va simplement déplacer le curseur. Et donc il y avait deux variante. Donc dans le Robert, il était mis déjà dans les années 70 événement ou événement. Et bien maintenant, on va mettre en évidence qu'il y a ces deux variantes et on va dire que ce qui est préférable, c'est de mettre événement avec un accent grave sur le deuxième E. Donc simplement, il n'y a rien qui est nouveau, c'est qu'on met en évidence les deux variantes et on met en évidence celle qui paraît la plus logique, la plus conforme aux règles de la général de la langue française. Autre chose, la nouvelle orthographe, c'est pas non plus une nouvelle orthographe, donc c'est quelque chose d'assez simple, c'est pas des milliers de mots qui changent, c'est simplement, ça concerne en gros 400-500 mots dans les mots de tous les jours les plus courants. C'est si on va vers le vocabulaire scientifique médical qu'on va avoir 2000, 3000 mots, mais vraiment pas plus. Donc, ce n'est pas une nouvelle orthographe, ce n'est pas une réforme de l'orthographe non plus, c'est surtout un aménagement. Donc, prendre conscience qu'il y a beaucoup de variantes entre les dictionnaires, on aménage et on remet de l'ordre. Donc, ce qui se passe pour moi, donc, on était passé des éditions de book, qui était un éditeur universitaire, et maintenant, ça se passe aux éditions Albin Michel, qui considère que la nouvelle orthographe, c'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde, que c'est quelque chose qui doit être accessible à tout le monde. Donc les premiers livres étaient malheureusement un peu chers, et ici, c'est plus quelque chose de populaire qui va être diffusé partout. Donc ici, on peut se réjouir, parce qu'il n'y a pas que chez Albin Michel que les éditeurs français vont publier. Il y a d'autres grands éditeurs français qui vont rendre la nouvelle orthographe accessible à tout le monde pour le moment. Mais c'est dingue quand même tout ça, parce que c'est bien français tout ça, non? Dans le sens que je ne comprends pas bien pourquoi oignon, par exemple, ne s'écrit plus avec un i. Moi, je le répète depuis le début, mon idée là, c'est de dire que le petit gamin, quand il va écrire, on va lui dire bon, maintenant, oignon, t'enlèves le i, quoi. Voilà. C'était comme ça, avant, on écrivait ça comme ça. Si le gamin, il écrit encore avec un i, il ne fait pas vraiment une faute, du coup. Alors, il y a aussi deux questions en une. Donc, premièrement, il faut savoir que la nouvelle orthographe n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de passer à la nouvelle orthographe. Et On ne considère pas comme une faute quand quelqu'un écrit encore dans l'ancienne. Alors, il faut aussi savoir se déplacer parce que chacun, avec son expérience, a appris à écrire oignon avec un i. Et pour certains, ça a peut-être été douloureux quand il était enfant. Mais il faut se mettre dans la peau d'un enfant d'aujourd'hui. Et un enfant d'aujourd'hui, on va lui apprendre qu'il y a un son qu'on prononce qui est o et qu'on écrit une seule lettre. Et moi, je pense que pour de nombreux enfants, apprendre que le O se prononce, s'écrit O-I, ça a été une souffrance, ça a été un traumatisme à 7-8 ans. Et souvent, les gens, ils ont un peu oublié tout ça. Donc, il faut se remettre dans les futurs, pour les futures générations, on va faire une nouvelle orthographe qui correspond le plus possible à la prononciation. Et pour le mot oignon, surprise, quand on regarde dans le dictionnaire du 19e siècle, je ne sais plus exactement la date, eh bien dans les deux orthographes, oignon avec un O ou avec un I, existaient déjà. Donc ce n'est pas une nouveauté. Donc on renvoie à quelque chose qui existait déjà. Donc voilà. Mais c'est du grand n'importe quoi, hein. À quoi on s'amuse? À quoi ça sert? Dis-moi, Dominique, à quoi ça sert de faire ça? Parce que j'ai entendu que tu disais oui, mais c'est pour se rapprocher au plus près d'une réalité qui change. C'est clair que le petit enfant ou même nous, oignons, on n'entend pas du tout le i, donc voilà, faisons simple. Mais si tu me dis en plus qu'on a déjà écrit comme ça avant, c'est du n'importe quoi. À quoi on joue? Est-ce qu'il n'y a pas... Alors là, je pars évidemment... Je pars dans une certaine direction, c'est-à-dire la réforme de l'orthographe. Très bien, non, c'est pas la réforme, la nouvelle orthographe. Enfin, jouons sur les mots, justement. Est-ce qu'il n'y a pas des choses plus intéressantes à réformer ou à faire que ce soit nouveau pour aider la jeunesse? Je sais pas, moi. Enfin, voilà. À quoi ça sert? Ma première question, c'est à quoi ça sert d'enlever le « i » alors que... de oignon alors qu'il a déjà été enlevé. Pourquoi on s'amuse comme ça? Alors, donc, il faut savoir raison garder. Donc, bien, il est évident que l'orthographe, ce n'est jamais que de l'orthographe et qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes et il y a des choses beaucoup plus importantes de nos jours. Moi, ce que je veux dire, c'est important, ça veut dire que c'est très bien. Moi, j'imagine que ce sont des gens, tu sais, d'un certain niveau de classe et machin qui discutent de l'orthographe. Tiens, nous allons enlever... un i cette année, ça le fera bien, mais en plus en 2016, on sait que ça craint au niveau du travail. C'est ça que moi je veux dire aussi, ça craint au niveau de plein de choses et on se prend un peu la tête pour changer la nouvelle orthographe. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des choses beaucoup plus intéressantes à... Mais je sais que toi, tu n'y es pour rien là-dedans, hein, mais je veux dire, c'est des gens particuliers aussi qui réfléchissent à tout ça, quoi, tu vois. Oui, mais comme je l'ai dit, je suis bien d'accord, il y a des choses beaucoup plus importantes que l'orthographe. Il ne faut pas non plus se prendre la tête et apporter trop d'importance à la... Il faut bien penser que là, ici, là, ce qu'on appelle la nouvelle orthographe, ce sont des aménagements qu'on apporte à l'orthographe pour qu'elle soit plus facile, que l'orthographe soit plus facile à apprendre pour les enfants. Il faut bien se mettre dans la peau des futures générations qui vont apprendre une orthographe où il y aura le plus possible une correspondance entre la prononciation et l'écriture. Oui, j'ai bien entendu, mais si tu dis en plus, alors simplifions tout, tu vois, pour faire en sorte que tous les gamins, ils savent bien parler, écrivons phonétiquement, faisons en sorte que même les gamins qui ont des difficultés avec l'écriture, faisons simple pour que tout le monde puisse écrire convenablement, tu vois, pourquoi... Puisque tu me dis que le mot oignon, je focalise sur ce mot, il a déjà été changé. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi on le rechange alors aujourd'hui? Mais le mot oignon, donc, dans le dictionnaire du 19e siècle, on trouvait deux variantes. On trouvait la variante OI et la variante O. Voilà. Voilà. Et après, dans le dictionnaire de 1932, l'Académie n'a plus mis que OI. Voilà. C'est celle qu'on connaît. Ça veut dire que si on écrivait O, eh ben, si tu avais ta dictée, tu avais une faute. Voilà, c'est ça. Et maintenant, ce qu'on nous dit, c'est qu'on peut écrire les deux orthographes sont acceptables. Moi, ce que je préconise, c'est que pour les enseignants, il est indispensable de connaître les deux orthographes, les deux variantes d'un même mot. Et alors, en tant qu'enseignant moi-même, ayant été confronté à ce point-là, à cette difficulté-là, je peux dire que c'est tout à fait possible pour un enseignant d'apprendre les deux orthographes. Et je vais dire d'ailleurs à tous les enseignants, rappelez-vous, quand vous étiez à l'université ou à la haute école, vous avez tous appris l'ancien français en 3 mois. Vous avez eu des cours d'ancien français de septembre à décembre, et au mois de janvier, vous aviez examen d'ancien français, vous avez tous passé par là. Eh bien, avec la nouvelle orthographe, c'est la même chose. Donc, je dis, c'est indispensable pour les enseignants de connaître la nouvelle les deux orthographes, les deux variantes qui existent. Et pour les élèves, eux, ils auront le choix. Et d'ailleurs, il y a certains enseignants qui me disent très souvent, je ne vais pas enseigner la nouvelle orthographe pour la simple raison que je n'enseigne déjà plus l'ancienne. Et donc, c'est une autre question très importante, c'est savoir que sanctionner. Et donc, comme je dis, l'enseignant, lui, doit connaître les deux orthographes pour ne pas sanctionner si un élève écrit « oignon » avec un « o », s'il écrit le mot « relais » avec « ai », parce que ces deux orthographes sont valables et sont acceptables. Voilà. J'ai envie de reposer ma question encore. Hein. À quoi ça sert tout ça ? À quoi ça sert tout ça, Dominique ? Sérieusement. Alors, à quoi ça sert ? Trouve pas que dans la tête d'enfants, c'est déjà bien compliqué l'orthographe et la grammaire, n'en parlons pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi l'idée de faire en sorte que ce soit plus simple aussi pour les gamins, pour qu'il n'y ait pas des échecs, en fait, tu vois ? Pourquoi, à quoi ça sert tout ça ? Est-ce que tu ne crois pas que dans la tête de gamin, bah c'est sûr, oignon, on l'entend avec un O, ça, avec un O, ça c'est sûr qu'il n'y a pas... Mais pour ceux peut-être un peu plus vieux qui auront compris qu'il faut mettre, ou appris qu'il faut mettre un I, voilà, donc la question c'est, à quoi ça sert tous ces changements ? Pourquoi en fait ? C'est quoi l'idée derrière ? J'ai entendu. La réalité, oui, très bien. Mais je pense que ce n'est pas que ça. Donc, il y a ce principe de réalité. Il y a deux orthographes qui sont acceptées, qui sont diffusées dans les dictionnaires. Regardez une bouteille de shampoing. Une bouteille de shampoing, sur l'une, elle est écrite, le mot shampoing est écrit avec le mot O, sur l'autre avec deux O. Donc, il y a deux orthographes qui varient. Donc, avoir conscience de cette réalité-là, ça, c'est hyper important. Alors, simplifier pour les générations futures. D'autant plus qu'il faut bien se mettre dans un contexte où, à notre époque, on passe de moins en moins de temps à l'enseignement de l'orthographe. Donc il y a des choses il y a beaucoup plus de matière qu'avant. Nos grands-mères avaient parfois une meilleure orthographe que nous parce qu'ils apprenaient l'orthographe beaucoup plus longtemps. Donc il y a beaucoup plus de matière maintenant, et donc parce qu'on passe beaucoup moins de temps à l'orthographe, et ici à l'orthographe d'usage, à l'orthographe lexicale. Donc, c'est rendre l'orthographe beaucoup plus accessible avec oignon. Prenons le mot combativité. Pourquoi en nouvelle orthographe, on propose de l'écrire avec deux T ? Parce qu'en orthographe, on a dans la même série le mot battre ou le mot combatif, ou donc le mot un combattant où il y a chaque fois deux T. Donc, en nouvelle orthographe, on réaccorde, on met de l'harmonie entre les différentes formes. Et donc, c'est ne plus avoir passé du temps à apprendre des exceptions. Donc, ou apprendre des irrégularités, avec le mot imbécilité, donc imbécile avec un seul L, imbécilité dans l'ancienne orthographe avec deux L. Dans la nouvelle, on va dire, c'est la même famille. Donc, on passe plus de temps à expliquer des règles et à faire étudier parfois des règles. Donc, c'est à ça que ça sert. Donc, à faciliter l'usage et le travail sur l'orthographe dans les classes. C'est gentil, ça, hein ? C'est chouette, ça, de simplifier les choses. C'est bien, moi, je trouve. Parce que je pense vraiment aux enfants qui apprennent la langue. Hein. On dit que la langue française, c'est une des langues les plus compliquées. Hein. C'est vrai, hein ? Et donc, là, il y aurait une envie de la simplifier. Alors, on peut prendre la nouvelle orthographe de deux façons. Donc, il y a soit cette idée simplifiée qui ne va pas nécessairement plaire à tout le monde, mais c'est surtout fondamentalement d'harmoniser, de régulariser des séries de familles. Comme je viens de dire, il y avait le mot combatif qui s'écrivait avec un seul T, alors que battre et battu et battant s'écrivait avec deux T. Donc, on régularise. Même chose avec la bonhomie qui s'écrivait avec un seul M, alors que homme, le mot homme s'écrit avec deux M. Donc, on met donc le mot chariot qui s'écrivait avec un R, alors que chariot avec deux R. Donc, comme il y avait toutes ces irrégularités, c'est pour se dire on ne va plus passer du temps à apprendre ça. Et alors qu'un enfant maintenant, mais ils mettent l'une ou l'autre orthographe, ce qui est surtout important, c'est que l'enseignant le sache et ne sanctionne pas inutilement selon ce qu'un enfant a fait. Voilà. Il y a vraiment intérêt à ce que le professeur le sache, parce que sinon... Mais j'espère qu'avec un livre comme celui qui a été écrit, que les professeurs pourront vraiment facilement s'accommoder à des grands problèmes de la nouvelle orthographe qui date de 1990. C'est que les premiers ouvrages qui ont été publiés étaient des ouvrages qui étaient uniquement universitaires, donc des ouvrages savants. Moi-même, quand j'ai écrit un premier livre, je voulais en faire un livre pour les élèves. Malheureusement, l'éditeur en a fait un ouvrage universitaire. Et heureusement, ce qui se passe, ce qui est tout à fait nouveau maintenant en 2016, c'est que 4 éditeurs vont publier des livres accessibles à tout le monde, qui va rendre la nouvelle orthographe enfin accessible en France. Donc, comme j'ai déjà dit, il existe au Canada une spécialiste de la nouvelle orthographe qui a déjà publié des livres tout à fait simples. Un livre s'appelle « L'orthographe simplifiée accessible à tous », qui ne sont pas toujours diffusés en France. Où le trouver, ce bouquin, alors, « La nouvelle orthographe expliquée à tous » Comment on peut se le procurer? Comme on dit, selon l'expression toute faite, dans toutes les bonnes librairies. Pour le prix de accessible, hein, 6,90 €. Donc ici, j'ai eu la chance de trouver un éditeur qui était effectivement très, très accessible et qui le rend accessible à tout le monde, à 6,90 €. Oui. Donc, je pense qu'il y a ce qui est vraiment fondamental, c'est pas garder l'idée de simplifier l'orthographe. Ce qui est vraiment important, c'est de regarder les différentes, quand on enseigne les variantes graphiques, avoir conscience que dans l'orthographe française, il y a des variantes et que chacune de ces variantes peuvent correspondre à des logiques. Comme j'ai dit tout à l'heure, avec un cure-dent, un cure-dent avec un T, c'est une dent à la fois. Avec TS, c'est plusieurs dents. Ces deux logiques sont aussi acceptables l'une que l'autre. Et en nouvelle orthographe, on va dire chaque fois qu'il y a le mot « un », donc on a un déterminant singulier, on va mettre un T, on va mettre un singulier. Et quand il y a du pluriel, on met du pluriel. Donc avoir conscience qu'il y a deux variantes et la nouvelle orthographe, savoir qu'elle en privilégie l'une plutôt que l'autre. Donc je pense qu'en enseignant la logique de la langue, tous les élèves seront vraiment armés pour affronter, pour rencontrer l'orthographe dans leur vie. Du coup, ça simplifie aussi, parce que tu chipotes un peu sur le mot. Au début, tu dis oui, ça simplifie, mais t'as pas l'air content. J'imagine qu'il y a des gens, ils doivent pas être contents de simplifier la langue française, enfin, voyons. Ça simplifie quand même. Tu dis logique, oui, je comprends bien, c'est logique, c'est bien, mais ça simplifie aussi du coup en même temps. N'ayons pas peur du mot. Et pourquoi pas? Je veux dire, si ça permet d'avoir une cohérence et que les gens s'y retrouvent mieux, hein? Non? Et tout à fait d'accord. Donc, d'abord, gardons cette idée de logique de raisonnement qui a un effet de simplification pour l'apprentissage. Mmh. Et toujours cette idée de se placer dans l'esprit des générations futures et pas moi, ce que j'ai appris. Et j'ai tellement souffert à apprendre l'orthographe que maintenant que je suis prof, je vais être très sévère avec mes élèves. Moi, vous n'avez qu'à faire comme moi, mais pensons aux générations futures. Et pour eux, ce sera plus facile et plus logique. Ah oui, c'est ce que tu entends en fait, c'est cette idée, comme moi j'ai dû l'apprendre, les autres aussi doivent se casser la tête et l'apprendre, quoi. C'est ça? C'est ça que tu entends? Mais je pense que parfois certains élèves, ils ont un peu oublié, enfin certains élèves qui deviennent des profs ont un peu oublié toutes les difficultés qu'ils ont eues à orthographier, à apprendre à écrire, à apprendre à lire. Donc au fur et à mesure qu'on grandit, on oublie un petit peu. Oui. Du coup, ça voudrait dire qu'alors ils ont envie que la génération qui suit galère bien aussi, ait des difficultés, que ce soit bien compliqué, puisque eux, ils ont eu dur. Ils ne voient pas pourquoi la jeune génération ne devrait pas aussi avoir dur. C'est rigolo comme... je me fais du mal, mais l'autre aussi, il faut qu'il ait mal, quoi. Mais j'espère que non. Donc maintenant, je souhaite que tous les enseignants véhiculent le plus possible l'orthographe rectifiée ou l'orthographe recommandée et puissent l'appliquer pour que ça devienne plus facile, plus logique, plus cohérent pour tout le monde. Oui, moi je trouve que c'est la langue française est déjà bien compliquée à écrire, alors je trouve que si on aide les gens, en tout cas les enfants, puisque à mieux la comprendre et à faire plus logique et plus simple, moi je trouve que c'est une bonne idée, quoi. C'est déjà tellement compliqué cette langue. Après, il faut savoir l'écrire correctement, mais pas seulement, il faut aussi la parler. C'est assez complexe, hein. Moi je trouve que ce qui est beau dans la langue, Mais j'en connais pas vraiment d'autres. J'ai pas appris une seconde langue. Déjà, le français. Mais c'est tous les mots différents. Et aussi, ben, dans notre monde, j'ai l'impression qu'on simplifie aussi beaucoup les mots. On est comme ça dans un système. Tu sais, par exemple, le mot bienveillant. Ce que ça peut me gonfler d'entendre ce mot, alors qu'à la base, bienveillant, c'est assez chouette. C'est comme, tu vois, bienveillant, c'est quelqu'un qui veille, qui a envie de bien veiller sur quelqu'un. Enfin, c'est chouette. Mais on l'utilise tellement tout le temps pour dire n'importe quoi, on les met à toutes les sauces, comme s'il n'y avait pas une richesse dans notre vocabulaire qui permettrait de pouvoir utiliser d'autres mots, tu vois. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, des fois, on se limite terrorisme, hein. J'en ai d'autres, hein, mais on focalise beaucoup sur des mots comme ça, comme s'il n'y en avait pas d'autres, tu vois, comme s'il n'y avait pas de nuances, de subtilité. Du coup, évidemment, ça a un effet, je trouve, sur notre pensée, parce qu'en utilisant, évidemment, moins de mots, ça prouve bien que notre pensée est plus pauvre. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Là, on s'égare un peu de la nouvelle orthographe, hein, mais c'est pour parler de la langue française, de cette langue qui est si belle, au fond, hein, qui est riche en, voilà, en diversité. Et je trouve qu'on est occupé à la réduire. Et ça, je trouve que c'est pauvre. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, en tant que Dominique Duprier de la nouvelle orthographe. Mais ici, je ne suis pas du tout spécialiste pour répondre à ta question, que j'entends bien, donc c'est vraiment un avis tout à fait personnel et subjectif. J'ai l'impression que le discours qui consiste à dire la langue s'appauvrit, le niveau baisse, j'ai juste l'impression que c'est un discours qu'on entendait déjà au temps d'Hippocrate. Je me souviens un jour, un prof à l'école, il nous a lu un texte qui parlait des jeunes générations et qui disait la langue s'appauvrit, le niveau baisse et les jeunes ne font plus rien. Et puis il a terminé le texte qui semblait s'adresser à nous en 1980. Et il a signé Hippocrate qui date du premier siècle, je ne sais plus moi, premier siècle avant Jésus-Christ. Donc je suis parfois assez perplexe devant ce discours un peu réactionnaire. ce discours qui consiste à dire le niveau baisse, la langue s'appauvrit, parce que il se répète à toutes les époques. Donc je suis assez réticent par rapport à cette idée-là. Sauf que moi qui te dis ça, j'ai pas fait d'école. Je suis à la base, j'ai vraiment aucun. Donc même, on va dire, une personne comme moi qui a dû se faire par elle-même, c'est-à-dire en étant autodidacte, en n'ayant pas fait de grandes écoles ou même l'UNIF, enfin des choses comme ça. Qui te le dit. Tu vois, moi j'ai l'impression que les gens qui disent oui, comme tu dis là, j'ai l'impression que c'est plutôt des gens d'un certain milieu aussi qui voient qu'on ne parle plus comme eux, ils parlent ou des choses comme ça. Moi, c'est pas vraiment ça que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment une pauvreté de la pensée. C'est surtout ça en fait. C'est pas que le niveau se perd. D'ailleurs, je ne vois même pas de quel niveau on parle. Ouais. Moi, je veux dire, j'ai dû déjà me construire par moi-même. Tu vois, je ne vois pas de quel niveau on parle, mais c'est surtout d'une pauvreté intellectuelle, quoi. Voilà, on arrive vraiment à... Allez, t'es pas d'accord avec moi, un petit peu d'avoir cette conscience que notre pensée s'appauvrit vraiment, tu vois, c'est binaire, quoi. On est pour ou on est contre, il n'y a pas de subtilité entre on est pour, enfin, tu vois, c'est très bête, quoi, alors qu'on peut se positionner carrément autrement qu'en étant pour et contre, évidemment. Oui, je peux être d'accord avec toi et je peux comprendre ce discours, mais je me demande aussi si ce n'est pas le discours auquel on est contraint par les médias, par une société dans laquelle tout va vite. On est obligé de répondre à des questions où on doit dire oui ou non, d'accord, pas d'accord, bien ou mal, noir ou blanc. Mais ceci dit, j'ai quand même l'impression que dans notre société, il y a encore une richesse, il y a encore de la réflexion, il y a encore un raisonnement qui existe. Et que ce n'est pas partout, que ce n'est pas aussi généralisé que tu veux le faire entendre ou que je comprends que tu veuilles le faire entendre. Oui, c'est vrai, via les médias, c'est vrai que c'est ça qui domine en fait, c'est sûr. Toi, tu vas aller bientôt te faire interviewer à RTL, hein ? Radio, télé, c'est quoi, c'est les deux? Donc, à ce que je sache, ce sera RTL Radio en France. Tu vas voir. Je suis curieuse, tu vas passer au moulin à compression, là, tu vois, ça va aller très vite. Mais tu as raison de dire, c'est vrai que c'est dans les médias dominants que ça se joue, évidemment. Mais du coup, c'est vrai ce que tu dis, donc y a sûrement encore, évidemment, cette pensée qui est riche. J'espère qu'on ne va pas la toucher quand même, cette pensée-là. Et ces milieux-là, quoi. Mais donc, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Bon, allez, le mot de la fin de tout ça, Dominique Duprier. Eh ben, je te remercie, Graciela, de m'avoir invité, d'avoir fait ce micro ouvert avec toi. Un grand merci. Ben, moi, je te remercie, tu m'as appris plein de choses, là, sur la nouvelle orthographe, en fait, qui bouge, en fait. Elle est tout le temps en mouvement, c'est pas quelque chose de figé. C'est intéressant de le savoir. Voilà. Merci Dominique.